tous les accents dans le texte. Ouais. Okay. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد قال المؤلف رحمه الله ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل Donc l'auteur al-Barbahari Abu al-Hassan البربهرج رحمه الله تعالى دي ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. Celui qui prétend voir ou qu'il peut voir son Seigneur ici-bas, il est mécréant. Il est mécréant. الشرح من زعم أن أحدا يرى الله في الدنيا رؤية عين لا رؤية لا رؤية لا رؤية في المنام فهو كافر. Donc celui qui prétend que quelqu'un peut voir Allah ici-bas رؤية عين, ça veut dire avec son œil. Avec son œil, pas une vision dans le sommeil. C'est-à-dire que quelqu'un qui affirme comme quoi Allah, on peut le voir ici-bas avec l'ayn, avec l'œil, il est kafir. Lien Allah jalla wa ala la yura fi dunya. Il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'Allah, on ne peut pas le voir ici-bas. Et c'est pourquoi, lorsque sa'ala kalimullah, Moussa alayhi salam, قال Rabbi arini anzur ilayk. قال lan tarani, walakin. انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. Donc c'est pour cela que Moussa alayhi salam, kalimullah, c'est-à-dire celui qui a parlé à Allah sans intermédiaire. Moussa ibn Imran. Le prophète Moussa ibn Imran alayhi salam, il a dit comme dans le verset dans l'A'raf, il a dit: "Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Montre-toi à moi pour que je te vois." Allah il lui a dit: "Lan tarani." Il lui a dit: mais tu ne me verras pas. Mais regarde le mont. S'il se tient en place, alors tu me verras. Surat 7, verset 143. فَلَا أَحَدَ يَرَى اللَّهَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Personne ne peut voir Allah ici-bas. هَذَا مَحَلُّ إِجْمَاعْ بَيْنَ الْعُلَمَا. Il y a unanimité des savants là-dessus. Comme quoi Allah ne peut pas le voir ici-bas. إِنَّمَا رُؤْيَةُ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ. La vision qui est affirmée dans le Coran et la Sunna, c'est la vision d'Allah dans la vie dernière. لأن الناس في الدنيا ضعاف لا يقدرون على رؤية الله عز وجل لما فيهم من الضعف. Il dit car les gens ici-bas sont faibles. ضعاف, ça vient de ضعف, la faiblesse. Ils ne supportent pas, ils ne peuvent pas voir ou supporter la vision d'Allah ici-bas à cause de leur faiblesse. ولهذا لما تجلى الله للجبل تدكدك وصار ترابا فكيف بابن آدم. Il dit c'est pour cela que lorsque son Seigneur, lorsqu'Allah se manifesta au mont, c'est-à-dire à la montagne, Tadakdaka, c'est-à-dire elle s'est rendue en détritus. Elle s'est effondrée. Voilà, moi il s'effondra foudroyé, il le pulvérisa. Donc il dit que Sarat Turaban s'est transformé en détritus. Fakayfa bibni Adam. Donc une montagne qui pèse des tonnes, etc., n'a pas subi le choc, etc. Que dire de Ibn Adam? Que dire d'un être humain qui est beaucoup beaucoup plus faible? الذي هو من لحم ودم أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يقدرون بها على رؤية الله والتلذذ برؤيته سبحانه وتعالى. Donc il dit l'enfant d'Adam qui est faible, qui est constitué ni de membres, de sang, etc. Par contre, dans la vie dernière, Allah il va donner aux croyants une force qui va faire en sorte qu'ils peuvent supporter cela. Ils puissent supporter la vision d'Allah. Taladzud, c'est-à-dire de passer un moment de plaisir. Taladzud, ça vient de al-ladza, c'est-à-dire un moment de délice, un moment de plaisir. C'est-à-dire ça va être un énorme bienfait de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faru'yatullah fil akhirah thabitatun wa mutawatiratun lil mu'minin. La vision d'Allah dans la vie dernière, elle est rapportée authentiquement. Mutawatira, elle est sûre et certaine. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là concernant les croyants. Par contre, ici-bas, personne ne peut voir Allah avec son œil al-muzarrada. قال واختلفوا يعني اختلف العلماء هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أم لم يره. Donc, les savants ont divergé, حتى الصحابة, il y a une divergence entre eux. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a vu son Seigneur Laylat al-Mi'raj, quand il a fait l'ascension, un petit peu avant Al-Hijra, un petit peu avant l'émigration, quand il est monté au-dessus du 7e ciel, est-ce qu'il a vu son Seigneur, oui ou non? Al-Sahih, ou l'adhi alayhi al-Jamahir, anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lam yarahu bi'aynihi, wa innama ra'ahu bi'qalbihi, wa basiratihi. Donc, la parole la plus juste, sur laquelle il y a la majorité des savants, c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas vu son Seigneur avec son œil, mais il l'a vu avec son cœur. لأن أحدا لا يرى الله في هذه الدنيا لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنيا car on peut pas voir ici Allah ici bas. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a été interrogé, hadith il est chez Muslim, est-ce que tu as vu ton Seigneur lors de l'ascension? قال نور أن أراه, il a dit j'ai vu une lumière, comment pourrais-je le voir. رواه مسلم في صحيح من حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور, donc il y a un voile qui empêche les créatures de voir leur Seigneur, un voile de lumière. Si jamais il enlève yani ce voile, ça va brûler tout ce que sa vision, et la vision d'Allah elle n'est pas déterminée, elle n'est pas délimitée à quelque chose, donc ça va brûler tout ce que sa vision atteint de sa créature. Rawah Muslim min hadithi an Abi Musa radiyallahu anhu. Qala al-mu'allif. Qala al-mu'allif rahmahullah wal fikratu fillah bid'atun liqawli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah fa innal fikrata fi rabb taqdahu ash-shakka fil qalbi. L'auteur dit rahimahullah al fikratu fillah bid'a, fait de réfléchir à propos d'Allah, c'est une innovation. Qawli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, car le messager a dit réfléchissez à propos de la création et ne réfléchissez pas à propos d'Allah, car le fait de réfléchir à propos d'Allah taqdahu ash-shak, ça va vous apposer des doutes dans le cœur. Ash-sharh yajibu 'ala al-muslim an yatajannaba at-tafakkur fi dhati Allah 'azza wa jalla. Donc le cheikh ici il explique que ce qu'il faut éviter, c'est le fait de réfléchir à propos d'Allah, c'est-à-dire de chercher à se caractériser ou à déterminer le comment Allah il est. Tafakkur fi dhati Allah azza wa jalla, c'est l'essence d'Allah, comment Allah il est lui-même. Wa tafakkur fi kayfiyati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, et le comment Allah il est, ses noms, ses attributs, etc., ses actes. Yanna Allah jalla wa ala yaqul ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah il dit dans le Coran, sourate Taha, sourate 20, verset 110. Il sait ce qu'il y a devant eux, derrière eux, et eux, ils ne le cernent pas de leur savoir. عليك الإيمان بالله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى دون أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. يعني دي, tu dois, ta fonction c'est quoi? C'est de croire en Allah fermement. الإيمان, on a déjà dit, c'est une croyance qui est ferme, c'est pas une croyance avec un doute, et valoriser Allah de la meilleure manière que tu peux, تعظيم, donner sa juste valeur, et sans réfléchir ou chercher à se caractériser ou à découvrir le comment Allah il est. Qawluhu li qawli Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager alayhi salatu wa salam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fillah, rawahu at-Tabarani fil Awsat wa al-Lalaka'i fi sharh usul al-i'tiqad an Abdillah ibn Umar. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit réfléchissez ou méditez à propos de la création et ne méditez pas à propos d'Allah. Et tafakkaru fi makhluqatillah wa ayatihi wa ayati Allah al-kawniyya tadullukum ala qudratillah. Réfléchissez à propos de et méditez à propos de la création d'Allah universelle, notamment elle va vous montrer là ça va vous indiquer ani la puissance et la capacité qudratillah subhanahu wa ta'ala. Fa ya ajaban kayfa yu'sa al-ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Hada kalam Abu al-Atahiyya al-sha'ir, 3e siècle, le poète, il dit comme c'est étonnant, comment est-ce qu'on peut désobéir à la divinité? كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد, comment est-ce que quelqu'un peut le renier, dire que Allah n'existe pas ou que c'est une légende ou etc. وفي كل شيء له آية, et dans toute chose il y a un signe qui montre l'unicité d'Allah, تدل على أنه واحد, qui montre et qui indique son caractère unique. فأنت فكر في الآيات الكونية من السماء والأرض, réfléchis, médite à propos des signes universel. Donc les signes universels, c'est ce que Cheikh cite ici, le ciel, la terre, wal jibal, wal hajar, wal ashjar, wal bihar, wal makhluqat, les montagnes, les monts, les cailloux, les rochers, les arbres, les forêts, les mers, les océans, etc. Al makhluqat, toutes les créatures. Il tastadilla biha ala azamati al khaliq subhanahu wa ta'ala. Pour comprendre et avoir la pleine certitude de la grande valeur du Créateur subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkar fi ayatillahi al-qur'aniyya. Il réfléchit également à propos de l'ayat al-shar'iyya, c'est-à-dire les signes universels, c'est ce qu'on a cité avant, et les signes légitimes, c'est le Coran, le Sunna, etc. Amma annaka tafakkar fi dhatillahi wa kayfiyyati asma'ihi wa sifatihi fa anta lan tudrika hadha wa la yuhituna bihi 'ilma. Il dit le fait que tu réfléchisses ou tu médites sur le comment Allah il est, etc., ses noms, ses attributs, tu n'atteindras jamais cela. Il y a une parole du Cheikh l'Islam al-Hamawiyya ou ailleurs, il dit que quelle que soit la manière dont tu t'es caractérisé Allah dans ta tête, sache qu'il est d'une autre manière. Tu ne peux pas atteindre, avec ta petite raison, tu ne peux pas atteindre le comment d'Allah. L'humain il est trop limité pour caractériser. Le mat l'atiqad. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. المؤلف رحمه الله dit sache que الهوام c'est comme les vermines, hein, les fourmis, les arts, etc. Au سباع donc c'est les animaux féroces. Hein, les lions, etc. Et les animaux en général, comme, je ne sais pas comment ils traduisent, donc c'est la mouche, c'est les fourmis, donc tous ces animaux-là, tous ces êtres-là, ou ces créatures-là d'Allah, ma'moura, c'est-à-dire, elles ont des ordres à appliquer. Ils ne savent quoi que ce soit, si ce n'est avec la permission d'Allah Ta'ala. الشرح الكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا. Donc tout l'univers, il est مدبر. مدبر, c'est-à-dire qu'il est dirigé. مأمور, il est ordonné. أمرا كونيا, d'une manière universelle. الشمس تسير والقمر يسير والنجوم والأفلاك تدور والدواب والطيور كل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله له. Donc il dit toute chose, que ce soit le soleil qui se déplace, la lune qui se déplace, al-nujum, les étoiles, également l'aflak, donc c'est les astres, les constellations et tout ça, tador, donc elles suivent un chemin bien déterminé, dawab, al-tuyur, les animaux, les oiseaux, kul shay yamshi ala nizamihi, toute chose agit selon ce qu'Allah a prédestiné, selon l'organisation d'Allah, etc. Ladhi qaddarahu Allah lahu, les directives d'Allah qu'Allah a prédestiné. A'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Allah dit dans le Coran, c'est celui Allah il a donné à chaque chose sa propre nature, puis il l'a dirigé. Sourate 20 verset 50. Nadhama ad-dunya kullaha. Ad-dunya kullaha munazzama. Toute chose elle a sa juste valeur, elle a ses justes proportions. Wa ma fiha min ka'inatin wa makhluqatin wa aflak. Min ka'inatin wa makhluqatin wa aflak wa samawat wa ard. Tout ce qu'elle contient, ka'inat, c'est al-ka'in, c'est-à-dire quelque chose qui est existant, tout simplement. Makhluqat, c'est les créatures. Aflak, donc on a dit les astres, etc. Samawat, c'est les cieux. Et la terre. Kulluha tajri bi taqdir al-khaliq wa tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Toute chose agit selon ce qu'Allah a voulu. Wa hiya ta'tamiru bi amrihi al-kawni. Ta'tamir, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, elles agissent en fonction des ordres. Elles agissent, elles appliquent en fonction des ordres kawni, c'est-à-dire comment Allah il a voulu que les choses elles se déroulent. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah veut quelque chose, il dit soit et c'est. Sourate Yassin, sourate 36, verset 82. Fa hiya tasiru wa tamdhi bi amri Allah subhanahu wa ta'ala wa tadbirih. Chaque chose elle se déroule selon ce qu'Allah a voulu, wa khalqihi wa iradatihi, ce qu'Allah a créé, ce qu'Allah a voulu, wa mashi'atihi khadi'atun له سبحانه وتعالى كل يجري لأجل مسمى. Chaque chose elle court ou elle va vers un gîte bien déterminé. الرعد, sourate 13 verset 2. قوله يعني قول المؤلف رحمه الله ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. Toutes ces créatures là qu'on a citées avant, les animaux etc. ne savent quoi que ce soit si ce n'est avec la permission d'Allah. أي بإذن الله الكوني وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله تعالى. فلا تسير من هواها أو من تدبير أحد غير الله جل وعلا. N'agissent pas selon toutes ces choses là qu'on a citées avant. N'agissent pas selon le hasard ou selon ce qu'elle veut etc. mais selon l'ordre et la volonté d'Allah. ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر. Il dit lorsque الجبار c'est-à-dire le transgresseur c'est Nimrod, il a dit à Ibrahim عليه السلام, il a dit moi je donne la vie et je donne la mort. Ibrahim عليه السلام il lui a dit فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. Il a dit, Ibrahim lui dit, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Al-Baqarah, surat 2, verset 258. Donc les actes d'Allah, personne ne peut ne peut les mettre en œuvre. أن يحاكيها المحاكات سي تشبه ني سو ressembler à lui. فهو الذي يدبر الكون سبحانه وتعالى وينظمه على أحسن نظام وأدق نظام. إن شاء الله كي dirige ces choses là d'une bonne manière et d'une manière précise. لا يتغير ولا يتبدل. Rien ne change. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سورة الملك سورة 67 verset 3. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Tu ne vois pas celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله تعالى إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا وهي تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل. Donc il dit le soleil, la lune, les étoiles, les constellations, les cieux, la terre. Depuis qu'Allah les a créés, jusqu'à ce qu'ils veulent que la dunya, la vie mondaine, elle prenne fin et elle suit un programme ou bien une organisation bien déterminée, sans changer et sans s'alterner. Non. J'avais juste une question. Oui. C'est le jour. Quand le jour sera le jour du jugement, le jour de la résurrection. Quand ce sera l'heure là, la trompette sera. Enfin, le clairon. Ce sera l'univers en entier ou ce sera juste la Terre? Ce sera l'univers en entier qui sera. Ce sera dire toutes les planètes. Tout. Allah dit Fassa'iqa man fis samawat wa man fil ard. Ceux qui sont sur la Terre et ceux qui sont dans les cieux. Toute chose. La vie mondaine, elle prendra fin. C'est tout. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر ولم وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عده ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. الدكتور دي رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر. Le fait de croire fermement qu'Allah a su ce qu'il y avait au tout début, dans les premiers temps, dans les premiers instants. Est-ce qu'il n'y avait pas également? Est-ce qu'il va se passer par la suite? C'est-à-dire décompter quelque chose d'une manière précise. C'est-à-dire qu'il l'a décompté ou déterminé en nombre d'une manière précise. Et celui qui dit, il ne sait pas. Il ne sait que ce qui s'est passé par la suite. وما هو كائن ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن. يعني أنا عندي دوك il sait pas. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان. Il ne sait que ce qu'il y avait. أيوة. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان. Celui qui dit que Allah ne sait que ce qui s'est passé auparavant, il ne sait pas ce qui va venir, ou bien il ne sait que ce qu'il y a à venir. فقد كفر بالله العظيم. Il a certes mécru en Allah le très grand, le sublime. الشرح يجب إثبات العلم لله جل وعلا. Il faut impérativement affirmer que Allah sait toutes choses passées, toutes choses présentes, toutes choses à venir. وإحاطته بكل شيء, qu'il a cerné toutes choses. فهو بكل شيء عليم. Allah est connaisseur de toutes choses. وعلى كل شيء قدير. Il est omnipotent. وعلمه لا بداية له ولا نهاية له. Sa science n'a pas de début et n'a pas de fin. علمه كسائر الصفات. Sa science elle est comme كسائر الصفات, comme tous les autres attributs. ثابت له في الأزل. C'est-à-dire que c'est un attribut qui est effectif à propos d'Allah في الأزل, à l'infini, à l'avant. فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. Comme Allah il n'a pas de début, لا بداية له, il n'y a pas de début à ses noms, il n'y a pas de début à ses attributs, il n'y a pas de début à ses actes. وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية له لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. Et également, le fait qu'Allah il n'a pas de fin, donc il n'y a pas de fin à ses noms, il n'y a pas de fin à ses attributs, il n'y a pas de fin à ses actes. C'est comme dans l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Antal awwalu falaysa qablaka shay, wa antal akhiru falaysa ba'daka shay. » Fahuwa bi asma'ihi wa sifatihi al awwal bila bidaya, wa huwa bi asma'ihi wa sifatihi al akhir bila nihaya. C'est le premier sans début et c'est le dernier sans fin. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, « Antal awwal voilà, falaysa qablaka shay, wa antal akhiru falaysa ba'daka shay, wa antal zahiru falaysa fawqaka shay, wa antal batinu falaysa dunaka shay. » رواه مسلم في صحيح الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. Donc le début c'est tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. قوله والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر. Donc l'auteur dit, le Barbahari رحمه الله dit, le fait de croire que Allah قد علم ما كان من أول الدهر, c'est ce qu'il y a dans les premiers, ce qu'il y a eu dans les premiers instants. وما لم يكن, est-ce qu'il n'y avait pas également. وما هو كائن أحصاه وعده عدا. أحصاه وعده عدا. Ils ont oublié la chada sur le matin en première page. الله علم ما كان ومضى في الزمان السابق. Allah il sait ce qui s'est passé et ce qui est مضى, c'est-à-dire quelque chose qui est passé, qui est révolu. في الزمان السابق, à l'époque antérieure. ويعلم ما يكون في المستقبل. Il sait ce qui va venir. وَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. Et il sait ce qui ne s'est pas passé, si ça se serait passé, comment ça se serait passé. فَاللَّهُ مُحَيْطٌ عِلْمُهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. Rien ne lui échappe. وَلِهَذَا قَالَ وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَا نُهُ عَنْهُ. Allah dit dans le Coran à propos des mushrikin. Il dit وَلَوْ رُدُّ لَعَادُ لِمَا نُهُ عَنْهُ. Les gens qui disent qu'ils veulent revenir ici-bas pour œuvrer, etc. Allah dit que même, déjà il n'y a pas de retour, mais il dit même si jamais ils reviendraient, maintenant voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or s'ils étaient rendus à la vie terrestre, c'est-à-dire ici-bas, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne va pas se passer, mais si ça se serait passé, comment ça se serait passé, Allah il l'a déterminé. Sourate 6 verset 28. علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. Allah il a su que même s'ils seraient revenus ici-bas après un court délai ou directement, ils seraient revenus à leurs actes et ils auraient de nouveau démenti la vie dernière, etc. Et il a ruddu ila dunya fa innahum sa'uduna lil kufr. S'ils reviennent ici-bas, ils vont revenir à la mécréance. Ma'a anna 'audahum ila dunya lan yakuna abadan. Tout en sachant que leur retour à la vie terrestre, elle est impossible. Il n'y aura pas de retour à la vie terrestre. Mais même s'ils seraient revenus à la vie terrestre, voilà comment ils auraient agi. قوله ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه فقد كفر بالله. يعني celui qui dit que Allah il sait que من قصر علم الله, celui qui limite voilà restreint la science d'Allah على الحوادث. حوادث c'est-à-dire les événements, les différentes choses qui se passent, التي تقع فقط, les choses qui se passent في المضارع au présent, qui se passe à l'instant, et Allah il sait les choses, et qui disent, comme certains ta'ifa, ils disent que Allah il sait pas ce qui se passe, ce qui va se passer dans l'avenir. Quand la chose elle se passe, il prend connaissance, mais dans ce qui se passe dans l'avenir, il ne le sait pas. Ça c'est de la mécréance. Kafara billah. Liannahu jahada ilm Allah jalla wa ala. Pourquoi? Il renie, il rejette la science d'Allah. Wa jahada ihatata ilm Allah jalla wa ala wa athbata lillahi ilman naqisa. Et il rejette également le fait que Allah il cerne tout par sa science, sa connaissance. et il a affirmé à Allah une science qui est amoindrie. Il sait qu'il sait des choses, il dit qu'il sait des choses, mais il ne sait pas à l'absolu. فهو يكفر بهذا devient mécréant à travers cela. فعلم الله لا يحد. La science d'Allah n'est pas limitée. أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ. La science de la créature, elle est limitée مهما بلغ, quel que soit le degré qu'il atteint. Qu'elle atteint la créature. Allah dit dans surat al-Isra, وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. On vous a donné que peu de science. وَقَالَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Il dit dans surat Yusuf, verset 76, au-dessus de tout connaisseur, il y a quelqu'un qui est plus connaisseur. وَأَمَرَ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمَ أَنْ يَقُولُ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Il a ordonné à son... وَأَمَرَ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. Allah, il a ordonné à son messager de dire d'invoquer Allah en disant Zidni ilma, accorde-moi plus de savoir. Surat Taha, surat 20, verset 114. Falladhi yahuddu ilma Allah, yahuddu ilma Allah, wa yaqul ya'lamu kada wa la ya'lamu kada, hadha kafirun billah liannahu tanaqqasahu wa jahada umum ilmihi bi kulli shay. Donc celui qui dit que Allah il est limité dans sa connaissance ou dans sa science, il sait ça mais il ne sait pas ça, ça c'est un mécréant, car il a rabaissé ou avili Allah, il a nié à son sujet le caractère vaste et totalement complet et absolu de sa science. قال المؤلف رحمه الله ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. Donc il dit également le mariage ne serait effectif qu'avec un tuteur pour la femme et deux témoins de droiture. Sadaq, donc c'est la dot. Qalla ou kathur, que la dot elle soit minime ou qu'elle soit grande. Wa man lam yakun laha wali, celle qui n'a pas de wali, fa sultan, l'autorité musulmane religieuse. Wali man la wali yala, devient le tuteur de celui qui n'a pas de tuteur. Al-sharh, hadhihi mas'alatun fiqhiyyah. Cheikh dit ça c'est un sujet de jurisprudence. وهي بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور. Ce sont les conditions de validité d'un mariage chez la majorité. ومنها أن يكون بولي وأن المرأة لا تعقد لنفسها ومن شروطه الإشهاد على العقد فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. Donc il dit parmi les points essentiels, c'est qu'il faut un tuteur pour la femme. La femme ne peut pas se marier, s'auto-marier ou se marier tout seul. Parmi les conditions également, l'ishhad. Il faut des témoins qui assistent à la cérémonie ou au contrat de mariage. Et il dit on ne peut pas faire un acte de mariage en cachette sans témoins. Parmi les madhhab, les musulmans i'lanu nikah. Parmi les choses qu'il faut entreprendre, et que certains y voient que c'est même une condition de validité, i'lan al-nikah, comme l'imam Malik rahimahullah. I'lan al-nikah, le fait que le mariage il soit bien, publié, et que ça se passe en public, que ça se divulgue. Wa mas'alatul wali mahallu khilaf. Concernant le tuteur pour la femme, c'est un point de divergence. Al-jumhur ala annahu la budda min. Ala annahu la budda min wali. La majorité des savants, 3 madhhab sur 4 déjà, ils disent qu'il faut impérativement le wali, sinon le mariage n'est pas valide. وعند الحنفية أنه لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي. Et chez les hanafites, il n'y a pas de mal que la femme elle se marie sans wali. لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل. Mais c'est en non-conformité avec l'argument, la preuve. لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit il n'y a pas de mariage si ce n'est avec un tuteur et deux témoins de droiture. وفي قوله وقوله في الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه وصحح ابن الملقن في البدر المنير على شرط مسلم. Donc il dit que hadith هذا prophète صلى الله عليه وسلم il a dit la femme ne doit pas marier une autre femme et la femme ne doit pas se marier elle-même, yani toute seule, car c'est la fornicatrice qui se marie toute seule. Wa hadith Nabi sallam ayyu mamra'atin nakahat bighayri idhn waliha fa nikahuha batilun batilun batil. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والدارمي والطحاوي شرح معاني الآثار عن عائشة رضي الله عنها. N'importe أي امرأة c'est-à-dire n'importe quelle femme, une femme quelconque qui se marie sans l'autorisation de son tuteur, son mariage sera nul, nul, nul. حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد. Il dit même s'il y a des savants qui ont dit que le mariage il était valide selon un effort personnel qu'ils ont fourni. Ce qui va faire en sorte que on est en concordance ou en divergence, c'est la preuve, l'argument. C'est pour cela que l'auteur, c'est un livre de Aqid, on a vu qu'il parle de conviction, et là il parle d'un sujet de jurisprudence. Le Cheikh dit, pour montrer que c'est ça la voie, la voie de droiture juste. وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم التي الذي تدل عليه السنة النبوية. C'est-à-dire les paroles qui sont justes et qui sont en conformité avec les textes religieux qui sont, yani c'est la parole de la majorité des savants qui disent ces conditions-là. ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين. Et afin que les mariages des musulmans soient en conformité avec la sharia. ولا تدخلها السرية والاحتيالات. Et pour pas que qu'il y ait des choses qui se font en secret, en cachet, etc. Et l'ihtiyalat, c'est-à-dire les ruses. بَلْ تَكُونُ وَاضِحَةً عَلَانِيَّةً فَإِنَّ الْأَنْكِحَةَ مِنْ أَهَمِّ الْأُمُورِ. Au contraire, il faut que les choses elles soient claires, car les mariages font partie des choses les plus importantes. لِيَنَّهَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا أُسَرْ. Du mariage va découler toute une famille. وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا ضَرَارِ. Il y a des enfants qui vont venir année par la suite. وينبني عليها نسب. Il y a toute une ascendance qui va se faire à cause de cela. وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج. Plus que cela, c'est le fait d'avoir des rapports intimes à travers la validité du mariage, oui ou non. فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الواردة في الأحاديث وفي الآيات. Il faut impérativement respecter les paramètres religieux, que ce soit dans le mariage ou dans autre. Mais Cheikh ici cite le mariage puisque c'est le sujet du point qu'a cité le Barbahari rahimahullah. Il dit qu'il faut être en conformité avec les hadiths qui sont rapportés et les versets qui sont cités. قوله المؤلف رحمه الله dit وصداق قل أو كثر. Il faut impérativement une dot. صداق قل أو كثر. C'est-à-dire qu'elle soit minime ou qu'elle soit grande. أما الصداق فليس شرطا لكنه واجب. Il dit concernant الصداق la dot, ce n'est pas une condition de validité mais c'est une obligation à respecter également. لهذا لو عقد بدون صداق صح العقد ولكنه يفرض لها صداق مثيلاتها لأن هذا حق لها. C'est-à-dire il dit si quelqu'un fait un mariage sans dot, le contrat de mariage il est valide, mais on va obliger yani le mari etc à payer une dot l'équivalent de ce que les femmes en général elles prennent, car c'est un droit de la femme. C'est un droit de la femme, oui. C'est un droit, ça vient à la femme. Ça vient à la femme. Ça lui appartient après, c'est alors parce qu'elle en veut. Ouais. Et je vais te poser une autre question. Si maintenant le tuteur, il s'oppose au mariage, mais pas pour une raison valable. C'est-à-dire que, parce que si c'est le mari n'est pas de la bonne origine, ou quoi que ce soit. Quand il y a un hakim musulman, il faut aller déposer une demande chez un juge musulman, etc. Et lui, il va demander au tuteur pourquoi il refuse le mariage. S'il n'a pas de raison valable, il va lui enlever la tutelle, il va la donner à quelqu'un d'autre pour que la femme elle puisse se marier. C'est comme ça que ça se passe. Allahu a'lam. Wafiq barakallah. Qawluhu wa man lam yakun laha waliyun fas-sultan waliyyu man la waliyya lahu. Donc celle qui n'a pas de, ça c'est venu dans un hadith, celle qui n'a pas de tuteur, les autorités deviennent le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. La budda min al-wali. Donc on voit ici que c'est bien obligatoire d'avoir un wali. Puisque s'il n'y a pas de wali, même dans ce cas-là, la femme ne peut pas se marier toute seule, mais il faut un wali pour la marier. والولي هو عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب منهم أبوها ثم جدها وإن علا ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ثم أخوها للأب ثم عمها الشقيق ثم عمها لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرأة. Donc il dit pour la tutelle, Il dit c'est Asabatul Zawja. Asabatul Zawja, c'est-à-dire la proximité du côté du père. Al-Aqrab fa al-Aqrab. C'est-à-dire on commence par le plus proche et tout doucement on s'éloigne. Minhum Abuha. On commence donc par le père. Thumma Jedduha. Si le père, il est à chaque fois, on enlève pour une raison X ou Y. Jedduha. Le grand-père qui prend la tutelle. Wa in ala. Wa in ala. Et les Arabes, ils n'ont pas grand-père et arrière-grand-père, arrière-grand-père. Ils ont Jedduha Thani, Jedduha Thalith, Jedduha Al-Ashir, Al-Khamis, etc. Donc le grand-père, 5e, 6e, c'est-à-dire arrière, arrière, etc. On peut monter. Voilà, on peut monter autant qu'on veut. Thumma Ibnuha. Ensuite, s'il n'y a pas, c'est son fils. Le fils de la femme qui prend la tutelle. Wa ibnu Ibniha. Son petit-fils. Wa in Nazal. Même si c'est le petit-petit-fils, etc. Thumma Akhuha Shakiq. Bien sûr, il y a des shorots. Il faut qu'il soit pubère, etc. C'est pas un petit enfant, yani. Etc. Thumma akhuha ash-shaqiq. L'akh ash-shaqiq, c'est le frère, je pourrais traduire par germain, c'est-à-dire ils ont le même père et la même mère. C'est le frère de la personne qui veut se marier, la femme qui veut se marier, qui prend la tutelle. Thumma akhuha li-ab. Ensuite, c'est le frère du côté du père. Ça veut dire ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même mère. Thumma ammuha ash-shaqiq. Ensuite, l'oncle. ثم عمها لأب ستير لونكل ها عمها الشقيق c'est-à-dire que c'est le frère de son père, ils ont le même père et la même mère. Et اخو عمها لأب c'est-à-dire que c'est son oncle mais du côté du père seulement. Ça veut dire que le père de la femme et cette personne là, ils ont le même père. D'accord. ثم ابن عمها الشقيق ثم ابن عمها لأب. Ensuite le cousin, c'est-à-dire le fils de son oncle qui est Shaqiq. Hein? Là, Ibn Ammiha, c'est cousin. Thumma Ibn Ammiha li-ab. Pareil avec le père. Lian hadha huwa waliyul mar'a. Voilà donc la tutelle de la femme par qui elle doit être prise. Fa'in quddira anna imra'atan laysa laha waliyun min asabatiha fahadihi yatawallaha as-sultan. Donc on voit ici que le khal, tout ça, tout ce qui est du côté de la mère, il n'y a rien qui est cité. Hein? Comme les savants ils ont expliqué, il ne peut pas prendre la tutelle. فَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ امْرَأَةً لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ مِنْ عَصَبَتِهَا فَهَذِهِ يَتَوَلَّهَا السُّلْطَانُ. Donc dans ce cas-là, c'est les autorités religieuses, bien sûr, musulmanes, qui prennent la tutelle de la femme pour la marier. أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنِ السُّلْطَانِ وَهُوَ الْقَاضِي فِي الْمَحْكَمَةِ. Ou bien celui qui remplace les autorités. C'est pas dire à chaque fois que l'autorité suprême qui va s'occuper du cas de cette personne, mais il va déléguer des choses comme un juge dans un tribunal ou un maire d'une commune ou quelqu'un qui a l'autorité sur un village, etc. فَلَبُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلنِّكَحْ ضَوَابِطُ وَلَا يَكُونُ فَوْضَى بِحَسَبِ أَهْوَاءِ النَّاسِ وَشَهَوَاتِهِمْ. Donc le mariage, il y a des paramètres à respecter, ça se fait pas comme ça, n'importe comment. فَوْضَى, c'est-à-dire désordre, بِحَسَبِ أَهْوَاءِ النَّاسِ, comme les gens ils veulent, comme les gens ils veulent agir, وَشَهَوَاتِهِمْ, et comme ils, selon leurs envies et leurs souhaits, ça se passe pas comme ça. Le wilaya et le mahramiya, c'est deux choses totalement différentes. Et quelqu'un qui peut être wali d'une femme, comme le sultan, et il n'a aucun droit sur la femme. Ça veut dire que ce n'est pas un mahram à elle, et tout ça, c'est deux choses bien différentes. Le mahram, c'est celui qui est interdit à cette femme-là à jamais. C'est ça la définition de mahram. Man yahrumu alayha lil abad. Mahram, ça vient de haram. Il est interdit à elle à l'absolu. Jamais une femme, elle va se marier avec son père ou avec son oncle. Ou avec, son neveu, avec tous ceux qui sont mahram, ils ne pourront jamais se marier ensemble. Amma le wali peut même se marier avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que c'est son wali qu'elle ne peut pas se marier avec. On fait encore la page là ou bien ça va être là? Adam, c'est bientôt. Ça va être là? إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب كونتينيو غان ان شاء الله مارياج ان شاء الله كونتينيو غان سبيشن كان فيغاج تي كيك شوز. شكرا بارك الله. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.